Je sais ce qu'il vous faut. Il faut que vous fassiez un essai. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est super. Laissez-moi vous mettre cette cassette. Vous écoutez et vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, vous entendez? Vous sentez les basses? Vous les sentez? Vous voyez, ça swing. Ça vous... ça retourne, ça rentre dans les tripes, ça balance, ça vous refile la joie de vivre, pas vrai? Random Select Fresh Ribbon Cake. Peut-être aurions-nous dû compter nos moutons. soudain, un halo de lumière est descendu sur nous. Ville, ville dans laquelle le monde tourne vite. S'il te plaît, observe aussi ce qui marche ta cible. Entre les ombres du tumulte qui défile sur ton site. Un sauveur est né pour vous. Loin de mes façons parmi les dangers des automobiles. Et des landaux tranquilles, invisibles. Je reste pour la beauté des monuments sans plus ni prêter attention. Cette attitude, c'est celle de la ville qui m'a conformé à ses habitudes. Malgré cette atmosphère magique, nous autres bergers n'arrivions pas à dormir. Peut-être aurions-nous dû compter nos moutons. Minuit dans mon lit, il se livre puis le termine. 2h30, c'est DVDB, court trajet de Kim Chapir, on me tourne. Nutella, un verre de lait et ma jolie barbe rousse en guise de ramasse-miettes. Je pense que ça arrive au 7, oui. Retourne sur ma couette et tarte ninja. Ferme les yeux sur mon radio réveil, puis réfléchis comme un défaitiste. Tourne sans arrêt dans mon lit. J'essaye de trouver la bonne position. 5h du mat, j'ai des frissons. Relève puis réchauffe, sèche par les pizzas. 7h10, bon appétit, multiplication. 8x8, j'essaye de trouver la bonne solution. 8h06, sur le sol du roi, parole de choix. J'interprète comme adieu, maintenant ça va mieux. File la chiasse, tire la chasse. Écris un texte sur l'inceste, sur porno, garçon pour le pincette. Tandis que la fin de ce texte se détermine. Dans mon lit, il se lit, puis le termine. Mi, dans mon lit, il se lit, puis le termine. Ta fatigue de vivre. Je sais le poids des ans sur tes épaules, mais tu as beau attendre courageusement, tu ne mourras point pour l'instant.

fragilité. 2, 4, 6, 8 et mon 2, 4, 5, 6, 8 en avant. 'Capable de prendre ses responsabilités sur cette question, c'est la population qui doit prendre cette responsabilité. C'est clair pour nous. Qui soit un modèle de démocratie, de liberté, de justice, un pays en quelque sorte rajeuni, qui oublie la morosité, qui ait confiance en lui-même et qui soit prêt à découvrir son propre bonheur. Mmh. 33. Your mouse. Ah, thank you. Ok. Tu commences à en avoir marre de ton micro-sillon. Tragédie. tragédie. Une tragédie. Une tragédie. Il n'y a pas de culture musicale en France. Surtout ne perds pas le tempo. Attends. c'est l'amour et c'est toujours qui font battre tous les cœurs en 45 tours. Parfois même si tu me quittes, je pleurerai, peux tout pardonner si tu reviens vite. Ça se passe en été, sous un ciel étoilé, plage au bord de la mer. On s'en souvient l'hiver. C'est tout ça qu'on peut mettre en place à la face. She forgot other ways. It's over, you better start buying the phrase. There was no intention of her being wife. Now she knows this is ending your life. It's a real shame you got hacked by the whores. It's a shame that kid probably ain't yours. Yo, some bitch, you know. She keep calling my phone. She don't leave me alone. She just moan and groan. She keep ringing me at home. These days I don't answer my phone. That boy's some prick, you know. All up in my hair. Thinks that I care. Keep following me here. Following me there. These days I can't go nowhere. Ain't that your girl? No, I ain't my girl. I swear to God. Hey, I don't. Ouah putain c'est chiant mais alors vas-y on rappe et on genre moi je rappe et tout et tu rappes genre dans une oreille et toi tu rappes dans l'autre oreille et genre après on mixe les deux en même temps et ça passe d'une voix à l'autre et genre on cut Et genre après on ressemble nos voix. Et genre après on ressemble nos voix et on les passe à travers un filtre. C'est pas du tout drôle, c'est complètement has-been quoi. Et on fait un beat juste avec certaines syllabes de nos voix. Et on rappe par-dessus, et après on rappe dans le casque. Et le truc qui est chambé, c'est après tu mets un beat à l'envers. Tu fais des scratchs en même temps, et on remplace nos couplets par des scratchs. Et genre, en même temps, on fait une structure. Leçon numéro 5. Variation de rythme vocaux. Sans tempo. Suivez et articulez les phrases suivantes. Ce n'est pas compliqué. Laissez-vous aller. ce qu'on a à dire est tout simple, hein, on va dire franchement ce qu'on a sur le cœur. C'est tout simple, ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot, assez suffit, terminé. On est à bout. On est à bout parce qu'on a trop tiré sur la ficelle et qu'à un moment donné, quand on tire trop, la ficelle casse. Alors moi je prends les ciseaux et tout simplement. Experimental electronics. I want some random electric. Finally, gang, we made it, motherfucker. Gonna eat up your Adam's apple. Turn your brain into spaghetti narrow. 20 gigs of hard drive space for your mother to magnetic, proton echoing prankster, spectrum, phonic, analog, digital, delete my eye synthesis. But I'm like, I'm all the I ain't no hippie.